d'originalité. C'est fou, 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est pas vrai, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine débutant le 27 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. On est ensemble pour 3 heures, pour la dernière fois pour un bout dans les Palmarès C'est fou. Donc profitons-en. Pendant ces 3 heures-là, il va y avoir un paquet de choses. Dans la première heure, évidemment, on a Palmarès in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Dans la deuxième heure, on aura un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 20 et du 27 avril. Comme c'est la dernière de la saison cette semaine, on a combiné même les émissions de cette semaine dans ce bloc bien spécial. Aussi en deuxième heure, c'était fou. Donc dans la deuxième heure, il n'y aura pas grand-chose de Palmarès parce que c'est deux très très très longs blocs de chroniques. Ailleurs, en troisième heure, on aura Ailleurs dans les palmarès. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 francophone est toujours Galaxy avec Dragon. Et en anglophone, on va apprendre si c'est Purity Ring avec Push Pull qui a réussi à se tirer une place une deuxième semaine au sommet. Mais pour l'instant, c'est la portion New Shit, donc on a 6 nouveautés à entendre dans cette première heure. Plus tard, il y aura Machine Géante, Noem, Le Couleur, Heat avec un H, et Alabama Shakes, mais on débute en 20e position francophone. Voici un nouvel extrait de El Motor, le retour de El Motor sur leur futur album Le Monstre. En tout cas, nous, on l'a poursuit. Voici Sorcière. Au 89 FM, c'est les Palmarès C'est fou. Dernière heure pour un bout. Entrée. Mm-hmm. what you like, what I like. Why can't we both be right? 19. Nouvelle entrée. Formation canadienne Heat et This Life sur l'album Rooms, nous entrée en 19e place anglophone. Heat, qui est frais et familier en même temps, nous dit leur page Facebook, rappelant le proto-punk de New York City dans les années 70 et le psychédélique du shoegaze du Royaume-Uni dans les années 90. Voilà un son rempli d'attitude jeune, hein, et d'assurance de soi-même. Hein? Donc Heat, groupe canadien, ne pas confondre avec tous les autres groupes nommés Heat, c'est bien difficile à les trouver, c'est heat69.bandcamp.com. Avant ça, on a entendu du côté francophone un autre extrait de Le Couleur sur leur album Dolce Désir, c'était Tilly Jeans, ça c'est le deuxième extrait de cet album-là, de ce maxi, le premier étant Club Italien. Il me semble que Concerto Rock a aussi été sur la palmarès, donc ce serait le troisième extrait. Avancé en 20e place anglophone, Alabama Shakes et Don't Wanna Fight sur l'album Sound and Color. Ça, Alabama Shakes, c'est un groupe américain formé à Athens en Alabama en 2009. C'est composé de Brittany Howard à la voix, Heath Fogg à la guitare, Zach Cockrell à la basse et Steve Johnson à la batterie. Et on a débuté en 20e anglophone avec Hellmotor et Sorcière sur l'album Le Monstre, un album qui s'en vient, ça sort le... Le deuxième album de Hellmotor, j'avais aucune idée, est sorti le 27 août 2013. Eh ben, c'est quelque chose quand même. Pierre-Alexandre Bouchard à la guitare et à la voix, Alexis Dufresne clavier et guitare, Guillaume Devin Duclos à la basse, Fred Boivin à la guitare au clavier et Pascal Gingras à la batterie. Vous pouvez aller voir leur page Facebook en cherchant Hellmotor Le Monstre. Ça se trouve quand même assez bien. Voilà pour ce bloc de nouvelles entrées. On a entendu 4, il nous en reste 2. Donc, elles sont du côté francophone, les deux. Et tout à l'heure, ce sera Machine Géante avec La Ruche. Mais débutons avec Noem et une pièce de leur album, Le Grand Mensonge. Voici Marée Noire. Au 89 FM, vous êtes dans les palmarès, c'est fou. monstre géant. Il y a un monstre géant qui gerce les océans. Entrée. Machine géante et la pièce La Ruche en 17e position francophone. Une nouvelle entrée. Avant ça, c'était Noël et le retour sur l'album Le Grand Mensonge. On a entendu la pièce Marée Noire. Voilà, on a entendu nos 6 nouvelles entrées. Donc, on est obligé par la loi de dire au revoir aux 6 qui nous ont quittés. Voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Mon petit est en pleine aventure, descend vraiment du sein. Quand tu fais partie de mon monde, jamais je vais oublier ta face.

musique en marge. C'est fou, 89.1. Les Incendiaires et Pink Venus, position numéro 14, qui descend de 12 places en francophone. Et avant ça, on a entendu Two Gallants et Fools Like Us, qui descend de la 7e à la 16e. C'était les deux représentants des positions qu'on saute dans cette partie de l'émission. Alors, on passe au 13e maintenant en anglophone. Ce sera Danko Jones et leur nouveau classique Do You Wanna Rock, qui descend de la 5e. 7e semaine de présence, et ça paraît pas du tout parce qu'elle joue toujours aussi bien. Elle passe toujours aussi bien. On n'a pas l'impression que ça dure depuis longtemps, ça. Du côté francophone, ça dure depuis 4 semaines. C'est Lubic qu'on écoute. Il monte d'une place. Voici Cowboys. C'est bon, ça? Moi, je trouve que c'est un bon planning, t'sais. Pas besoin de te poser de questions. On t'écoute, c'est fou pendant 3 heures, pis c'est la meilleure musique que c'est quoi vous offrir. Avouez que la job est facile pour tout le monde, hein? Même moi, t'sais. Je peux genre prendre mon temps, t'sais, pis savourer avec vous ces extraits musicaux. Il a fallu que je me donne pour

Milk and Bone et Coconut Water, position numéro 12, qui descend de 10 places, donc de la deuxième en anglophone. Avant ça, on a entendu La Bronze et Explose-moi, qui descend de 9. Avant ça, en position numéro 13, anglophone, Dyko Jones, Do You Wanna Rock, descend de la cinquième. Et au tout début, Lubick et Cowboy montent d'une place. On saute par-dessus Legend of Wolves en anglophone avec Runaway, qui est une nouvelle entrée la semaine passée, donc c'est elle qui aura la priorité si jamais on a du temps à la fin de l'émission. Et on saute aussi la position numéro 11, francophone, Navarre et Trouvé Asile, qui monte de 2 places, qu'il y a depuis 5 semaines. C'est la fin de la portion New Shit de l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour la portion Top 10. Restez avec nous, c'est les Palmeras, c'est fou. Fou de diversité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmeras Sifou pour la période qui débute le 27 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Il nous reste encore 2 heures ensemble et commençons notre portion top 10 avec les 10e places. En anglophone, c'est No Island avec Held You Up qui monte de 5. Et en francophone, on écoute Émilie Cornu avec une pièce qui est là depuis 5 semaines. Elle s'appelle 3 pistoles sur son album Maxi, Émilie Cornu. On écoute ça à l'instant dans les Palmeras Sifou. Et restez là parce que plus tard, les meilleurs moments d'assemblage requis s'en viennent dans un instant classique et les meilleures pièces de l'histoire dans C'était Fou. Mais pour l'instant, Émilie Cornu, 89 FM, c'est fou. Soit la mer 10. distance. Never had the time for love. Never took no chances. Well, you can call me anything, but you should call me lucky. 'Cause I became the only one to make it through. What would I see if I held you up? Days and endless nights, kept you coming back for more. Drew the shades and hit the lights, but you were running out the door. Got me written between the lines. Pull me in and just speak your mind. The ones you're trying to hide behind are closing in, and I still wonder why. Émotion coulée dans le béton. 9. We'll be right back. Madness Mouse, c'est Of Course We Know, position numéro 9 anglophone, précédé de Deux Pouillons Cavales et Gris Pain. Avant ça, c'était No Island et Emily Cornu en position numéro 10 de chaque côté. Maintenant, on retourne à Assemblage requis pour aller résumer les deux dernières semaines. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage hockey pour les semaines du 20 et du 27 avril 2015. Celui qui a fait un petit rire tantôt, c'est pas du rire en canne qu'on s'est engagé, on s'est pas payé une machine à bruit. C'est Olivier Lessard. Un invité de marque. Hey, hey! Bon matin. Quoi? Tu t'appelles Marc-Olivier, peut-être, mais tu t'appelles juste Olivier. T'sais. Pour étudier, on a besoin de bonne musique. Ouais? C'est pourquoi je vous fais un top 5 2. Dans? Deuxième round. Dans? Hein? Dans le courant pas! C'est vrai que tu parlais. Ah, excuse-moi. Le courant pas! Ah! Et que tu l'as pour la fin. Toujours à Assemblage requis, on se lundi 20 avril 2015, et Stéphanie Paradis. Oui, lui c'est Mathieu Plante. Oui, hey, hey, ho, ha, ho. J'ai eu un moment de vide cérébral. Ça arrive au meilleur. Ainsi que nous autres. Semblait aussi. On retourne à C'est un fait, puis on va rechanter. Je sais pas ce qu'on a du temps à remplir. Des choses que je sais pas. C'est un fait. Des choses que je sais pas. Comme les paroles de cette chanson. Wow! Waouh! Ah non, mais c'est freestyle, c'est la deuxième. Ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, comme on n'a pas Internet, on peut pas aller chercher les paroles sur lyrics.com. D'habitude, on suit les paroles. Là, ben qu'on nous donne. Sébastien F. Gartin, salut. Bonsoir. Ouais. Ben oui, on sera pas hypocrite, on fera pas semblant qu'il est pas là. C'est ça. Qui me dit, dès le départ, pendant l'intro, il me dit, et je cite, je vais t'imiter. T'as l'air en forme, faut que tu le dises. Ben, c'est comme je comprends pas. Ok, t'as dit qu'il fallait. C'est ça, je t'imitais comme, puis là, c'était ta voix qui allait sortir de mon. Ok, non, c'était pas clair. C'était vraiment pas clair. Ok, on va le refaire. On était par là, l'intro de l'émission, et Sébastien F. Gartin me dit, et je cite, t'étais dedans, pas à peu près. Voilà. Oh, t'es bon? Pas pire, hein? Non. Il fallait juste que je me. Bon matin! Bon, toi! Hey! T'étais pas là hier? Ben non. Il reste 5 émissions à partir de là. Oh! Top 5! Hey, c'est un décompte, ça? Ça ressemble étrangement à un décompte. Un top 5. Qui commence un jeu. Ok, jeudi. Fait que toi, t'as l'intention que ce soit meilleur, juste de plus en plus bon. Ouais! Jusqu'à jeudi prochain. C'est ça! T'sais, Gandhi, là. Ouais. Tu sais, il disait bien des affaires, des citations vraiment incroyables. Mm-hmm. Comment on appelait ça, tu penses? Des phrases, des citations. Non, des Gandhi-ratons. Ok, ça, c'est, ouais. c'est comme Gandhi, mais avec un petit bandeau là, oh! noir oh! sur les yeux. Un petit raton, Gandhi! Oui! Yesterday's Ring, c'est clairement un gag de l'anneau d'hier, là. Comme la région de la Naudière, j'ai catché comme la semaine passée. Fuck, c'est vraiment c'est génial. C'est super bon. Là. La Naudière, Yesterday's Rain, allô. Là. Bravo. Ah, oh, c'était écœurant. Bravo. Oh mon Dieu, wow. Hein, je t'ai fait exploser le cerveau. Là. Ouais, pas. C'est ce qui m'est arrivé la semaine passée. Non, mais on se rend compte à cette heure, t'as des croûtes à manger, hein? Bon. Et l'orange. Tu sais, c'est le fun à presser. Ouais, ouais, à boire, à peler. Ouais. Justine est le fun à pertiner. C'est Justine Pertine. Elle presse l'information dans le cerveau. Elle fait s'égoutter la connaissance dans nos oreilles. Ah! T'essaieras de faire des liens à chaque chronique, à chaque semaine de la vie, toi. T'es pas obligé de faire des liens. Je suis sûre que je suis connue mondialement. T'as juste à dire Justine Pertine, les gens, ils savent c'est quoi. Exactement. Non, mais tu sais... J'ai écrit ici pile dans mes notes, le pile. Pile, le okay. Pile est bel et bien prêt à tomber. Hein? Il est Bill prêt Clinton. À... Il est prêt à mourir. Ah, parle-moi pas de politique, toi, ça me turn on. Sais-tu quelle actrice a vraiment particulièrement une belle peau? Epidermis Moore. Je vais finir avec ça. C'est tout. Epidermis Moore. Oh my God. Ouais. Elle est vraiment très bonne. Ben merci. Habituellement, on ferait le poste d'écoute. Cette semaine, on n'a pas envie d'entendre la nouveauté. On veut rester dans notre confort, assis sur nos lauriers, je dirais. Donc, à la place, on va s'asseoir sur l'oreiller et écouter Myriam Lortie nous parler du journal Zone Campus. Hey, Mathieu! Cela va? Ouais. Notre semaine commence ici, nous. Ben non, mais elle a commencé un petit peu hier. Oui, elle a commencé hier. C'est ça. Ceux qui étaient là se sont demandé, mais où sont mes animateurs préférés? Ensuite, ils ont changé de poste pour aller au bon poste où leurs animateurs préférés sont situés. Ah, c'est drôle de l'autodérision comme ça. Il n'y a aucun règlement là-dessus. C'est qui détermine les règles ici? Ben c'est toi. Ben c'est ça, c'est nous autres, en équipe. Ouais! Tu peux me demander tout ce que tu veux me dire. C'est quand même toi qui as le dernier mot, tu sais. C'est ton émission. C'est vrai, moi, je suis là pour t'appuyer. Je pile tout le temps par-dessus la fin de tes phrases, comme là, mettons. J'ai tout le dernier mot. Mettons, tu dis bye, puis je vais dire OK, bye, pour avoir le dernier mot, tu sais. T'es quand même moins pire là-dessus. Qu'avant? Ouais. Merci. Je pense que. Je te laisse ta place. Oh, je suis tes phrases, tu sais. Regarde, je suis tes phrases. Trompez-vous pas. Vendredi, on vient pas. Là. Non, c'est ça. Mais on va être là pareil. En meilleur moment. C'est ça. Entre guillemets, meilleur moment. On devrait vraiment mettre des guillemets dans le logo. Meilleur moment, comme dans tout ce qu'on a là. Parce qu'on parlait de Bob Dylan, puis là, tu m'as parlé de jambon à la bière. Oui, par hasard. Fait que là, j'ai dit, c'est-tu la traduction littérale de Bob Dylan, jambon à la bière? Exactement, ouais. Bob Dylan-chus. Deep and Dylan-chus. C'est bon, ça, ce gâteau-là, le profond et délicieux. Oui, il goûte un peu folk, là, je te dirais. Faut le voir pour le... Faut le croire pour le voir. J'essaie de trouver un nouveau nom pour notre future émission de musique folk. Assez fou, tu sais. Faut le croire pour le voir. Bravo! National School Bus Chrome, la couleur jaune. Le couleur. Le groupe de musique. Ben, c'est ça, genre celui qu'on va écouter à l'instant, mettons. T'es pas sérieux. Avec Télé Jeans. Hey, je suis sûr que c'était prévu. T'es un peu comme sous le choc, genre. Ah, c'est... Wow. Tu m'appelais Sir, moi aussi. I'm flabbergasted. Thank you very much, Mr. Roboto. Chacun ses choix. Chacun ses besoins. Exactement. C'est comme, tu sais, mettons, il y en a qui veulent pas écouter, mettons, des chansons, même s'ils sont bonnes, parce qu'ils ont peur de l'avoir dans la tête toute la journée, mettons. Comme, mettons, Danko Jones. Ah non, t'es bien pas fin. Avec Do You Wanna Rock? Cruel. Elle l'a pour toute la journée. So do you wanna rock? David Ferron, qui est enfin là, on voulait pas finir la session sans lui, donc le voici avec les notes salées. Vraiment, hein? C'était réussi. Celle sur le beat, c'était... Ouais, ben pas nécessairement les secondes n'étaient pas les mêmes entre les trois selles, mais c'est pas grave. C'est ouais, mais en même temps, quand tu vas aux toilettes, est-ce que tes selles sont vraiment si sur le rythme que ça? J'emmène mon chronomètre et oui. Au Bobard, c'est un endroit à Montréal où c'est vraiment de la musique du monde reggae. Ça se joue, puis c'est comme dans une espèce de salle intimiste, comme un bar. En même temps, c'est comme un salon. C'est un beau cool. Bar. Oui, ben oui, exactement. En forme d'éléphant, comme Bobard. Ah, cool. Oui. Pas tout à fait. C'est sûr que c'est pas un bar éléphantesque, mais très accueillant. Non, mais c'est sûr, quand tu y vas, faut pas que tu te trompes de chemin. Trompe. Oh. Hey, hein, on va y lancer des pinottes, hein? Bon. Fais des bonnes jokes. Mais il paraît qu'il y a toujours quelque chose à y voir. Y voir! Ah! Ah! Ben, Steph, t'es en feu, Matt. Bravo. La pièce Bouillandi. Bouillabaisse. Non, Bouillabaisse, c'est bon. Mais j'allais dire qu'elle était disponible en canne comme chef Bouillandi. Oh! C'est bon, ça. Il y a seulement deux émissions ensemble. Hein? T'es plate un peu de même. Ben, on pourrait continuer à venir faire semblant. Oui, oui, oui, ben oui, mais c'est sûr. C'est ça que ça fait d'habitude, un gars et une fille ensemble, tu fais semblant. On est très, très fake. C'est comme ça. Jackpot TV avec Frédéric Bernard. Ah là, j'espère qu'il va nous faire une liste pour l'été. Hein? D'émissions à regarder, là. Oh oui. Dans queue sur Netflix, là, queue interminable. Aussi, quelque chose a l'air bon, je mets dans queue. et non pas, je mets la queue dedans. C'est ça. Moi, c'est plus ça. C'est plus ça. Salomé Leclerc, ça vous va, ça? Hey, tellement. On écoute Vers le Sud, parce que peut-être qu'en arrêtant de s'acheter des gadgets parce qu'on sera pas en onde avec cet épisode de réponse-là, peut-être qu'on pourrait aller dans le Sud. Donc, Salomé Leclerc. Peut-être dans 6-8 ans, là. Oui, oui, le Sud, comme genre passer le pont, je pense. C'est une colette? Là, ouais, c'est ça. Où on peut se gâter, on peut se rendre jusqu'à, je sais pas, Saint-Wenceslas. Road trip! Saint-Wenceslas, here we come! C'est vrai que si on arrête d'acheter des gadgets, on va pouvoir y aller, mais c'est des priorités, c'est différent, ça dépend des gens, là. Bof. Bof. Les deux sont tellement éphémères. Tellement. Ouais, nous autres, à la place de fermer la boîte, on va l'ouvrir. Voici si ça existe, ça ne devrait pas être là. Tout est un lien, là. Batman Begin, les films de Batman, okay. Avec, Nolan. De Nolan. Xavier Nolan. Non, Chris Nolan. Chris Nolan. Ouais. Chris Nolan. Avec. Ce serait drôle, une parodie où je vois Xavier Nolan. Nolan. C'est une série que si vous allez en France et que vous parlez de Plus belle la vie, ils vont faire. Ah. Il devrait mélanger ça avec notre téléroman à succès québécois puis appeler ça genre Plus belle la Virginie. Plus belle. Hey, mais sans... Ou Plus belle la 30 vie. Oui, c'est bon. On remercie Frédéric Bernard. Et c'est tout. Rien. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci, Stéphanie Paradis. Plaisir. À demain pour une dernière fois. Bon. Remerciez pas votre auditoire. Hey, on travaille pour eux autres, c'est à eux autres de dire merci. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci, les petits requins. Ça va tellement dropper tes jeux de dés. Vraiment. On leur dit la plupart. Ils savent déjà qu'on les aime. C'est inclus, tu sais. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 20 avril et du 27 avril 2015. Donc oui, les meilleurs moments de ce matin, parce que Caroline, on termine demain à l'émission Assemblage requis. Demain étant pour nous le 30 avril et c'est la dernière édition des Palmarès assez fous, donc 29 avril. Que voulez-vous? Demain, ben il y en aura sûrement pas les meilleurs moments. Hein? Il y en aura pas. On va espérer qu'il y en aura pas, sinon c'est plate parce qu'ils ne joueront pas. Hein? Donc écoutez, Assemblage requis pour une dernière fois demain, jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, cifou.ca, assemblagerequis.com et autres tralala. On est pas mal assez fous, il nous reste les positions numéro 7 et 6 dans cette heure-ci. On va peut-être avoir le temps de reculer déjà. Quoi qu'on a du C'était fou à jouer tantôt, je l'oublie des fois, mais on a un C'était fou pour la semaine du 21 mars 2011 à entendre tantôt. Donc allons-y avec les positions numéro 7 tout de suite en anglophone. C'est Orange Clock et Can't Fight the Feeling qui monte de la 18e place, qui était nouvelle la semaine passée. Et tout de suite, voici Lisbonne Telegram qui était aussi nouvelle la semaine passée. C'est Fugitive. Même si Ah, t'as peu, parce que j'ai bien mis la bonne affaire. Ah, je me suis trompé! Ha ha ha! On était rendu au 8e. Je les ai cochés pour une raison que je ne comprends pas. Mon cerveau, des fois, pense pas la même chose que le reste de moi-même. Ouais, c'est ça, c'est que j'écris avec mon autre cerveau, tu sais. J'écris avec ma queue, c'est ça. Bon. Donc, pour ce numéro 7, du côté anglophone, Orange, c'est Bears of Legend. Numéro 8, pas tard, on va s'en sortir. Numéro 8, anglophone, c'est Bears of Legend avec Beside Me. Et tout de suite, voici Athéna. Et pour un tour dans les draps. Je pourrais aussi la repartir au début, tu sais. Je l'ai parti tantôt, c'est quand. J'étais rasé. Ah. Même si je te retrouve en bas du pont, je donnerai jamais raison. Je t'espère trouver mieux que de l'aimer à ta façon. Continue comme la face à concept, puis tu changeras pas. Huit. You are a friend. very first to know me as a man, the very last to kiss me in the end. But I am hard, I know, to comprehend, 'cause I'm not a saint. I got the devil in my selfish hand. I know you're seeking for a better man, like a treasure hiding in the sand. Still you wake up beside me. You wake up beside me. Still you wake up beside me. You wake up beside me. Bears of Legend et Beside Me, position numéro 8 qui monte de la 17e, c'est une nouvelle entrée la semaine passée. Avant ça, Athéna avec Pour un tour dans les draps qui descend de 2 places. Avant de passer au 7e, Lisbonne, Telegram et Orange O'Clock, voici qu'on retourne en arrière avec C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 21 mars 2011. Thank you. of my step. So to sing along, undiscovered. And all the years, a quarter speed, hello there, trembling clean. So to sing along, turning over. C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 21 mars 2011. On a débuté avec Bio Bazar et Moon Queen, et non pas la version radio, parce que c'était la version radio qui était sur le palmarès. J'ai joué la version au complet sur l'album Well's Vagina. Ensuite, Chromeo et Night by Night sur l'album Business Casual, qui était numéro 1 anglophone. Et finalement, un choix de ma part, Moves par The New Pornographers sur leur album Together. Un de mes groupes préférés, c'est The New Pornographers. J'adore. Mais c'est ce que je fais, encore choisir une pièce par moi-même dans le palmarès, j'y vais avec ce que j'aime, c'est bien évidemment. Bien évident, je pense, bien évident. Donc, Galaxy était là aussi dans le palmarès francophone, les Breast Readers, Gatineau, Chinatown, Panache, Peter, Jérôme Mignard, Karim Ouellet, Antoine Corriveau, Alexandre Desilets et plein d'autres. En anglophone, il y avait aussi Armistice avec Béatrice Martin, Mother Mother, Atomic Baobab, Young Galaxy, The Almost... Danko Jones était là à l'époque, The Dears, The Tokyo Police Club, Ringo Dead Star, et voilà, il y en avait tout plein dans cette semaine du 21-27 mars 2011 dans C'était fou. Maintenant, on retourne à nos palmarès. On a le temps juste, même, on va peut-être dépasser un petit peu, mais à peine. Donc, pour les positions numéro 7 dans cette heure en anglophone, ce sera Orange O'Clock et Can't Fight the Feeling qui monte la 18e, qui était nouvelle la semaine passée. C'est la même chose pour le numéro 7 francophone. Voici Lisbonne Telegram et Fugitive au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou.

or do you just run out? Tell me what's your truth. You've gotta stop this soon. Which way are you talking? Yeah, keep turning. I'm raising the roof. You feel backed into a corner. You told me forever. Together. Just let the feeling come. Pour ce numéro 7 anglophone. Avant, c'était Lisbonne Telegram et la pièce Fugitive qui monte de la 19e place qui était nouvelle la semaine passée. C'est la fin de la portion top 10 des Panoramas Sifou. Il nous reste une dernière heure, la portion top 5. On va savoir si le numéro 1 francophone est toujours Galaxy et en anglophone Purity Ring avec Push Pull. Tout ça en plus de Death Cap, Cutie, L, King, Twin, River, Violence, Ponctuation et Salamé Leclerc au Panoramas Sifou. Voici là. Bon, retour, c'est la dernière heure des Palmarès Sifou pour la session d'hiver 2015 et pour la semaine qui débute le 27 avril 2015. Alors, cette case horaire à partir de la semaine prochaine, donc à 17h, comme nous sommes en ce moment mercredi, ce sera Audiomatique qui va monter d'une heure à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il nous reste encore donc une heure ensemble pour entendre la portion top 5 des Palmarès. Dans quelques minutes, en fait, dans moins de 50 minutes, vous allez savoir qui est au sommet. Est-ce que c'est toujours Galaxy et Purity Ring? Mais débutons avec les 5e places en anglophone. Ce sera Viet Cong et Newspapers Spoons qui monte de la 9e et tout de suite en francophone, ça monte aussi de la 9e. Voici Salamé Leclerc et vers le sud dans les Panoramas Sifou sur les 89 FM. Oui. Je partais vers 5? Yeah. 4. J'aurais-tu terminé l'émission avec cette chanson-là, Goodbye, Goodbye, mais non, il reste encore 45 minutes. Twin River avec Band to Break qui monte de 4 places en 4e anglophone. Avant ça, Violence avec l'invention du divertissement qui monte de 11. Avant ça, en 5e anglophone, Vietcong et Newspaper Spoons qui monte de la 9e. Même chose en francophone, Salomé Leclerc avec Vers le Sud sur l'album 27 fois l'aurore. On est rendu au 3e, donc oui, on entre dans le top 3 et on apprend dès le départ que du côté anglophone, ça a descendu. C'est l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 3e. Purity Ring avec Push Pull. C'est bien dommage. Par contre, meilleure nouvelle pour Richelieu qui monte de la 20e, donc de 17 places. Voici Tu quittes. Au 89 FM, c'est les Palmarès. C'est fou, la dernière pour le bout. running pain. There was an echo far and faint beneath the air remained. You were young and you'd stare where my limbs hung far and fair. Make a ladder of what folds and climb up. J'écouterai ça toute la journée. Purity Ring et Push Pull en ce numéro 1 du côté anglophone, maintenant en 3e place. Et en franco, Richelieu avec Tukit qui monte de 17 positions. Et c'est un simple pour cette formation, Richelieu. On est au numéro 2 maintenant, à moins d'une demi-heure de la fin de ces palmarès, c'est fou. Du côté anglophone, c'est Del Capo Cutie qu'on va entendre avec Black Sun qui monte de 2 places. Mais avant ça, on vient de recevoir leur CD. C'est incroyable ça! Enfin, une vraie copie physique. Et en plus, ils vont faire leur lancement de CD à la Chasse-Galerie. Ici même à l'UQTR, demain soir, jeudi, hein? Donc le 30 avril. C'est juste ça, c'est 5$. Allez voir la page Facebook de l'événement en passant par la page Facebook de C'est Fou. C'est pas magnifique, ça, ponctuation. Et le nom du groupe, leur album, c'est La réalité nous suffit. Et voici leur extrait qui monte de 2 places. Météo au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. We'll be right back. Vous êtes dans la zone 89.1. Deux. Black sun revolve around. whiskey in the water. And there's death upon the vine. And there is grace within forgiveness. But it's so hard for me to find. How could something so fair be so cruel when this black sun revolves around you? How could something so fair be so cruel when this black sun revolved around you? Death Cab for Cutie, numéro 2 anglophone, avec la pièce Black Sun qui monte de 2 places, et en francophone, c'était Ponctuation et Météo qui monte elle aussi de 2 places. Les pièces se suivent dans les palmarès, je sais pas trop ce qui arrive. L'album s'appelle La réalité nous suffit. Et encore une fois, je vous rappelle que le lancement a lieu à la Chasse-Galerie jeudi soir, le 30 avril 2015. Comme demain, mettons, pour certains, sinon hier ou avant-hier. Genre dépendant de quand vous nous écoutez. Il nous reste seulement le numéro 1, Colin, déjà arrivé, alors qu'il nous reste quoi, 25 minutes à l'émission. On va avoir le temps de retourner écouter des pièces qui sont très très jeunes et qu'on n'a pas pu entendre plus tôt dans l'émission. Donc allons-y, dépêchons-nous. Partons à l'envolée, comme notre ami, comment elle s'appelle, légère là, Daenerys Targaryen, hein? C'est ce que les gens appellent Khaleesi, mais qui comprennent pas que Khaleesi ça veut dire genre reine ou quelque chose comme ça. Ben tu peux pas l'appeler comme ça, en tout cas. Donc un peu comme elle enverrait un dragon voler au-dessus de nous pour nous envoyer de la bonne musique avec ses petits haut-parleurs, tu sais. Je suis sûr que les dragons dans Game of Thrones, là, ça paraît pas, mais ils portent des petits haut-parleurs Bluetooth sur leur dos, tu sais. Faire pomper de la bonne musique, genre de galaxie, tu sais, avec Dragon sur l'album Zulu en francophone. Alors qu'en en anglophone, mais Colin, on passe de la reine, Madame Khaleesi Daenerys, à un roi, mais qui est une femme. Un roi-femme un peu bizarre, non, ce n'est pas Bruce Jenner, c'est bien Elle King, avec son album Love Stuff. On s'en va entendre l'extrait X's and O's, ça s'en vient tantôt. Mais avant ça, Galaxy et Dragon, pas le reste, c'est fou. La première fois, femme. Hein? Les jeux de mots, t'es quand même correct, je trouvais, t'sais, moi, en tout cas, je suis pas mal regardant, je suis pas mal compliqué à compter les jeux de mots, je dirais que je suis pas mal tout le temps satisfait, là, bah, ouais. Ça aurait été vraiment plus cool si j'avais comme parti directement à la pièce, c'est comme, pow, t'sais, ça aurait fait comme dans les dents, bah, ouais. Là, comme ça. Parfait, ça. T'es dadon, là, ou plus dragon. première position. La période du 27 avril jusqu'au 24 mai 2015. On vient d'entendre L King avec X's and O's qui est monté de deux places en anglophone et en francophone, c'est stable. Troisième semaine au sommet pour Galaxy avec Dragon. Je rappelle de trois jeux de mots différents. Et des fois, c'est difficile avec l'album Zulu. Voilà. On a assez de temps pour retourner en arrière. Il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, clenchons-nous un bon petit bloc. Pourquoi pas? Plus tard, on entendra Philippe Braque. Mais débutons avec la position numéro 11 anglophone qu'on a sauté précédemment parce qu'elle était nouvelle la semaine passée, mais qu'on n'a pas eu le temps de la jouer. Donc, c'est League of Wolves avec Runaway tout de suite sur C'est Fou. Les palmarès. téléphone. Tu m'attends avec ton pain. Tu ne m'écoutes pas avec tes oreilles. Tu ne vois rien avec tes yeux. Pourquoi tu me chies pas dessus avec ton cul? Je me suis toujours demandé s'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds. S'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elle en dit pleine. Fait que j'ai décidé d'aboucher pis de te flusher. Pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, j'serais ton ravin. T'étais antisémite, ben je serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long qu'une pause. Fun qu'à t'en prenne. Sur le seuil de ta porte, j'ai fini d'attendre. Comme une citrouille fin avant. Est-ce même plus une question d'être capable, mais de joindre l'utile au désagréable. Parce que si t'étais un char, j'serais ton ravin. T'étais antisémite, ben, j'serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, j'prendrais plus long qu'une pause. Thank you. C'était Hill and the Sky Heroes avec The Flame. Position numéro 6 qui monte de la 19e place. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Avant ça, on a entendu la 6e francophone, Philippe Braque avec Ravin qui monte de la 11e. Et on a débuté avec la 11e anglophone, League of Wolves avec Runaway. Un beau bloc de 3 pièces qu'on avait sauté plus tôt dans l'émission. C'est la fin des palmarès C'est fou pour cette semaine et pour la saison de programmation 2014-2015 ici à C'est fou. Donc on se retrouvera pas avec un bon bout dans les palmarès C'est fou, mais je vais quand même vous rappeler les rediffusions vendredi soir entre 17h et 20h. Après nous, c'est Bonnet Rouge et Skypunka. Et les dimanches entre midi et 15h. On était en direct en ce moment entre 15h et 18h le mercredi. Après nous, ce sera Audiomatique, l'émission de musique électronique. Et à 19h, les Audacieuses. En fait, non, les Audacieuses ont déjà terminé. Je m'excuse. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. J'espère que vous allez quand même écouter de la musique de Palmarès, même si personne ne va vous la faire entendre sur nos ondes, mais que voulez-vous. C'est de même, hein, c'est de même. Les Palmarès auront quand même leur feuille et leur portion du site web de C'est fou. Donc, c'est fou.ca pour voir les Palmarès évoluer en temps réel sur le site web. On se quitte avec une dernière pièce qu'on n'a pas entendue plus tôt. C'est celle de Summerland qui est en 7e. Donc, elle est en 16e, pardon. Elle descend de la 7e place. C'est juste un peu trop. Je pense que, un peu comme moi, je pense que je n'ai juste un petit peu trop. Fait que je m'en vais. Summerland, bye! Ton corps.